Chapitre 6 du livre 4 de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 4, chapitre 6. Impopularité. L'archidiacre et le sonneur, nous l'avons déjà dit, étaient médiocrement aimés du gros et du menu peuple des environs de la cathédrale. Quand Claude et Quasimodo sortaient ensemble, ce qui arrivait maintes fois, et qu'on les voyait traverser de compagnie, le valet suivant le maître, les rues fraîches, étroites et sombres du pâté Notre-Dame, plus d'une mauvaise parole, plus d'un fredon ironique, plus d'un quolibet insultant les harcelait au passage, à moins que Claude Frollo, ce qui arrivait rarement, ne marchât la tête droite et levée, montrant son front sévère et presque auguste au goguenard interdit. Tous deux étaient dans leur quartier comme les poètes dont parle Régnier. Toutes sortes de gens vont après les poètes, comme après les hiboux vont criant les fauvettes. Note bibliographique. Régnier, Satire, 7, 49 à 50. Lire telle sorte, et non toute. Fin de la note. Tantôt, c'était un marmot sournois qui risquait sa peau et ses os pour avoir le plaisir ineffable d'enfoncer une épingle dans la bosse de Quasimodo. Tantôt, une belle jeune fille, gaillarde et plus effrontée qu'il n'aurait fallu, frôlait la robe noire du prêtre en lui chantant sous le nez la chanson sardonique « Niche, niche, le diable est pris ». Quelquefois, un groupe squalide de vieilles, échelonnées et accroupies dans l'ombre sur les degrés d'un porche, bougeonnait avec bruit au passage de l'archidiacre et du carillonneur, et leur jetait en maugréant cette encourageante bienvenue. « Hum, en voici un qui a l'âme faite comme l'autre a le corps !» Ou bien, c'était une bande d'écoliers et de pousse-cailloux, jouant aux merelles, qui se levait en masse et les saluait classiquement de quelques huées en latin. « Eia, eia, Claudius cum Claudo !» Note. « Ah, ah, Claudius et le Claudican !» Fin de la note. Mais le plus souvent, l'injure passait inaperçue, du prêtre et du sonneur. Pour entendre toutes ces gracieuses choses, Quasimodo était trop sourd et Claude trop rêveur. Fin du chapitre 6 du livre 4. Lu par J.C. Gouane, Montréal, mars 2010.